ta boule de cristal. Je subis ton érotisme paranormal, bien qu'à l'aise à la verticale. Je dirais volontiers oui pour l'horizontale. Je ne vois que toi. Ton élixir à goûter était bien comme je croyais. Sucré, salé. Ton filtre a si bien marché. Je suis tout dénudé. Je vais compter jusque 3. Et tu poses encore un bras, deux bras sur moi. Et tu poses encore un bras, deux bras sur moi. Chercher une aventure, viens trouver dans ma roulotte la bonne aventure. Garde-toi d'aimer un autre que moi. Je pourrais bien l'expédier direction l'au-delà. Je ne vois que toi. Ton élixir à goûter était bien comme je croyais. Sucré, salé. Ton filtre a si bien marché. Je suis tout dénudé. Je vais compter jusque 3. Pose encore un bras, deux bras sur moi. Et tu poses encore un bras, deux bras sur moi. Je subis ton érotisme paranormal, bien qu'à l'aise à la verticale. Je dirais volontiers oui pour l'horizontale. Je ne vois que toi. Ton élixir à goûter était bien comme je croyais. Sucré, salé. Ton filtre a si bien marché.